Le journal d'Internet des Coréens aux États-Unis, Minjok Tongsin, a présenté le 26 juin un écrit d'un commentateur qualifiant les États-Unis de pire abus en Corée du Sud.